Poussé sous ta bague à m'sillier. Comme on faut donc pas manger viande. L'hypocrisie sera cadavre. Bonjour, c'est l'eau chauffée. Monsieur nous dit, nous filer pour à toi, quoi faire cabane, quoi te parler ça. L'expérience belle, papa Claudine. Si la femme te connaît ça, yo, en bas, yo, coup de ciseau, ça y va, yo, ta peine ou grimpe, montez, montez, Michel Pado. Et le bouffé, c'est si haut si vous voulez.